بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه أرضاه عنا به في كنوز الحقائق في الكنوز العشرة الكنز الأول وأنه في عوالم الإنسان وأنه تعالى ينزل على كرسيه يوم القيامة وأنه تعالى له كف وأنامل وأنه تعالى يرى في صورة كنت جتاي بي ويسو والله تي جتاي يي ويسو كون غيسون نانيو لي ادو تي بو تي مانام تي خيال لا نيكون بلغي تي عالم الخيال te borom manam ñuy wax nak ne borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay sifat ay melo yo xamantene mom moñu ko xabaare mo xam ci alquran la wala bok ci laminu yent bi sallallahu alayhi wa sallam te bok na ci xabar yoyu moy ne mom borom bi subhanahu wa ta'ala lo ñal nako kafun ak tanqa wa anamilun aki ciati baram wono te mom borom bi taala ji ko ji yora def na gis ko suratin ci ak jëm manam mu yor kon forme manam forme physique lolu waxon nañu ko ci jotay yi wessu amon nañ luñ ci jotona yaatal akas new legi ñu warona gis li nga xamantene mom moy li aju ci walu manam ci lim wax ne ci hadith manam ci note de bas de page mun rawa solo na tirmizi rahmatullah ci sonanam wa sahawati rewal nako lafdu kaddu yi nga xamne mom lañu indi nak ci hadith bi la won ñel nako wa tabarani ak mom tabarani fil mu'jam al kabir wa fi du'a ci ñaan manam ci fi du'a bok ci tere bi nga xamne mom moy du'a wala dirum wa fi musnad ash-shamiyin ak ci musnad ash-shamiyin tamit wa nako wal hakim imam hakim solo na hadith bi ñu na ra wax wa ahmad ak imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ci musnadam wa darimi imam ad-darimi mom tamit wa ibn abi shayba muy borom musannafi abubakar wa abd ibn humayd rahimahullah wa ibn khuzaima abubakar rahimahullah mom tam fi tawhid lako ci tere bu ñu wax tawhid lako solo wa darqutni imam abu abdullah darqutni wax nako solo nako fi riwayah fi ru'yat terum bobu ñu ar ruya wa ibn mandah rahmahullah mom tam solo nako fi radd al jahmiya ci ter bobu mu tuddé nonu ar radd al jahmiya wa ibn asakir asakir fi tarikhi ci terum bobu nga xamne mom moy tarikhu baghdad ñom ñep solo nañ hadith bi ñu na wax an muad ibn jabal radhiyallahu ta'ala anhu muy sahaba bu mag bobu anna qala la dafa wax ne ihtabasa anna manam tejuna ihtaba sa tejuna anna walifnu rasulullah wa ya ali sallallahu alaihi wasallam zaata qadatin abbas manam ak xey dañu xey yantib sallam ñu diko xaar suba gi gisunu ko han salati subh walif julif suba wala ñu diko xaar ñu xaar wa gum gennul ñu xaar rek ba dafa su genné comme mo doon jité mo mo nekkon imam bi do moy jité ñu xaar wa hatta mbete kitna xaw tuti ñun natara ñuy commencé di sentu nak ayna sam ci jëm mi jant bi manam ñu commencé di wax né jant bi bo mu tut est ce que lu génn légui way xeyna amna lu ko né fa xaraja mu dal di gaaw nak génn sariyan ci lu gaawa gaaw fa suwi ba ñu dal di noddu manam wala bok ñu liqam bi salat ngir julli lu lay tek suwi ba bi salat manam moy dem ñu liqam pour ñu julli fa salla rasulullah ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam dal di julli wata jawza fi salatihi mudari gawtu manam mu julli go xamantene yeexut yeextuul lan ci julli gi waya fa lama sallama salima bi mu selmale wala sallama mu selmale daa mu dadi wax ca kaw bi sawtihi ci kaddu manam wax ci kaw ciow ci kaw dal di wote dal na qala lana munen ala masafikum nek len ci sen sapay kama antum kem ngeen nek won sen sapay wala summan fatala top nak mu dal di wulbe ci ku ilayna djublu ci ñun manam bi mu selmane dafa ni bu kenn bouger tok len fi ngeen top sen sapay après mu dal di wulbe ci ku waxal ñun summa qala top mu ne amma in ama inni ndal naka de man mi de li xew moy sa uhadithukum dara len netali ma li nga xamantene habasani momute yankum wolif len al ghadata manam ci suba gi ni ñune li tax ba tay ci suba gi ni manam waxuma ak yeen manam gennuma lima teye won dana len ko wax inni naka man qumtu min al layl qumtu dama jog min al layl ci guddigi fatawaddatu maradi wa maradi japp wa sallaytu ma julli ma li nga xamna qudira dogalef nako li ñeel ma am li yalla dogal ci man ci ay raka ma dat koy julli fanaastu neena ma daali gemmentu manam naay sa moy ma daali forbat manam mu mel dafa somno le dal wala fi salati ci sama julli hatta staqaltu ngate mu dis lol ci man manam gemmentu gi dis torop ci man fa iza tassa manam naka mbir bi deme nonu kon ci etat bobu ma nek ana man bi rabbi ma dal sa borom na tabarak wa taala tabarak barkel na mbirum yep ay mbir manam luy doleku la ak di yegitiku wa taala ci kawenam manam borom subhanahu wa taala kon ma dal gis ne sa borom la mo fi nek fi ahsani suratin ci jëm ju gëna rafet ci jëm yi manam mu dal yor form jëm ju gëna rafet ju rafet فقال من ما يا محمد يو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلت من يقول لبيك ربي وينا لا يا سامبرم سامبرم وينا لا ما نام كون ينتي بي صلى الله عليه وسلم نكا جيك ني لاي وخه ني لاي ويو والا ما نام سانك داي يا كان اسن ال بال مو سيد خديجه نكو ها ها نو ني لا wala muné ko ha manam muné ko réflexe ci manam ñom xalé yi bo leen woy en lañuy wax wala mais lolu lak la moy manam lolu c'est parce que suryani bi la motax origine suryani bi mais sinon yenté bi sallalahu alayhi wasallam la bayka lay wuyu la bayka lay wax la dan wuyu wuyu na la manam comme ni mi waxé ni mi wuyo ñeneen ñi ci dess manam ni mi wuyo comme kidi ak wax la bayka allahumma la bayka lay wax la bayka la sharika lak la bayka et cetera manam la bayka gogou manam moy fa moy ne wuyu na la ci wuyu go xamantene jox na la geudul cieur yent bi nak sallallahu alaihi wasallam non la dan wuyu ñep nim dan wuro wuyu boromam kon mu ne ko la bayka rabbi wuyu na la yow sa borom qala munako fi ma yaxtasamu ana ci lan lay nek di werante wala bok di waxtane al mala'ul a'la manam yaxtasamu day indi batu debattre batu manam li ni nek di comme tay buñu assemblée nationale buñu nekké di waxtane ci ben sujet lolu yaxtasamu lañ fi tuddi am lañ nek di debattre di discuter wala ci ben affaire kon mune al mala'ul a'la manam moy plenum suprême bi manam moy mala'ul a'la kon moy li nga xamné moy assemblée bu mag bi manam mboloy malaaka yu kawé ñu gën ña kawé qultu maniko la adri man de xawmuko qala ha néla mu wax ko salasa ñett yoon mu wax baat bobu ñett yoon qala borom ne yent bi salalahu alayhi wasallam ne fara'aytuhu neena ma gis ko mom borom bi wada'a mudalita kaffahu tenkam bayna katfayya ci sama digeunte ñaari mbag yi manam mu jël tenkam tek ko sama digeunte ñaari mbag tenk moy poum de la mer wajattu na hatta mbete wajattu ma dadi dak bardan barda anamilihi barda sedday anamilihi ay ciati baram bayna sadayya sama digeunte ñaari wéen yi ma daccé dayu baram neena fata jallali borom bi feñoo ma nak daldi may manifestel kullu shay'in bepp mbir manam wala bok fata jallali mu feñu ma manam mu manifestel ci man kullu shay'in bepp mbir manam moma bobu nak bimu bi lolu xewé lepp dafa feñ ci man fa arefuma daldi xam lepp manam lepp xam xam lepp ma xam ko ci moma bobu wala xam nga hadith bi boko xolé kon da ngay gis né borom subhanahu wa ta'ala manam yentibi sallallahu alayhi wasallam fi dafa xabaare né borom subhanahu wa ta'ala gis dig mom gis na borom ak mom ci jëm gis nako ci ben corps physique d'ailleurs amna ci benen riwaya ci hadith bi moy fi surati shabin amrat la wax manam hadith bi mi ngi ci mabal bay haqi ñom solo nañ ko rahmatullahi alayhi ak ñeneen manam andak hadith bobu hadith la bo xamantene boko xole ci côté riwayat manam côté dalil côté mustalah al hadith la bo xamantene bu weur la ndete ki nga xamantene mom moy al hafiz abdul aziz ibn muhammad al humari rahmahullah mu nek manam moy ci humari yone la kenn ci ñom la sen rakki en fait ci ñi ndawé ñi ñom dafa bindu ben téré bo xamantene da ko bindu ci hadith bob manam mais mom lim doon wax bo xolé ci hadith bi lim doon waxe manam moy d'accord na né hadith bi bo xolé ci côté mustalah hadith manam xam hadith yi hadith bo wërna mais sauf que mom dafa japp né hadith bi shaaf la manam mom loolu la japp manam moy hadith bi may wax ni dima wax ne yeen borom da ko feñu ci jëm manam mu nek un jeune homme manam borom bi subhanahu wa ta'ala feñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam en tant que jeune homme manam même hadith bi la en fait riwaya ñoo wuti rek voilà han da xamantene dafa yor forme manam ben manam waajo xamne manam petit jeune homme bo xamantene dafa manam da manam dafa imberbe manam moy ne tellement que manam jeune xalé la na borom bi daf ko feño non mais ci riwaya bi daf ni fi ahsana sura ci jëm gi gëna rafet manam kon bo bolé da ngay gis né manam kon ku xalé lu goor bu rafet la ko feño ñu gis né kon saxal na lool saxal na né borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am tenk ba paré dafa am ay ciati baram mais buñ xolé li la suñ xolé li di ñu gis né liñ doon wax manam ci alamul khayal rek la mëna nekké manam moy ci monde imaginal moy monde bi nga xamné ay fiction ño fay nek andak non yoy yep nak andak lool yep comme niñ ko gissé ci détail yi ñu détaillé ci alam bobu ci di léral ci walu gogou dinañu xamné kon lékété tekkiwul né borom bi subhanahu wa ta'ala mom ci bopam dafa am jëm parce que lool khasha kala wa khasha manam borom subhanahu wa ta'ala ëppunté né ak di am jëm di am corps physique lolou mënu nek ci borom voilà comme niñ ko gissewon gissat ko té wax nañ li tax man tané moy né la lutax yalla mënu am jëm physique corps physique espace temps voilà kon day am luko composé wa yow li nga wax raison la manam ñaar raison yoy la manam moy bu yalla mënon am bu doon dé da fay am jëm corps physique kon day am lugo composé té bu amé lugo composé mom moy né avant lolu di composé di existe di mëna dajalo mom existé bul won té yalla existence am amul fu mu tambalé té do am fu mu yapp kon lool moy téccélé mom mënul am nek ko xamné day am corps physique benen bi ci dess mom moy physique corps physique bu nek mënul baña nek ci ben espace lool man tané manam mënuñu imaginer benn corps physique bu occupé wul benn volume ci espace bi préalablement té lool non espace bobu moko wara jitu ci existence bi sinon du mëna nek voilà kon loolu mom moy hein yoy mom makoy mom yoy makoy wone légui nak kon xamnañ ni borom subhanahu wa ta'ala ba paré comme mom lim wax lay sa kamisbi ci cheyum yalla melut comme dara manam limitité moy nek mom melut comme yenen nek yi kon ce qui veut dire que ni amul du physique parce que yene nek yeb am dañu am corps mais yalla mo amul lool ginnaw ba xam nañ lool kon le fait que borom subhanahu wa ta'ala feñu ko lool mënul nek manam motax ñu mënd di gis ne gis ni kuy gis borom subhanahu wa ta'ala ci gënt comme imam ahmad ibn hanbal mu wax rahimahullah nga xam na len dama gis yalla ci gënt 99 fois gis nako yalla mani centième fois mu ko gisete dina ko laaj lan moy li nga xamantene mom moy li tax nga gëna manam djégué borom bi subhanahu wa ta'ala lam nga gën ko djégué néna mu ko gisé centième fois bi ma laaj ko ko mu néma moy ngay jang alcorane sama cadeau yi manam ngay jang alcorane nga samonté alcorane wa légui kon li nga xamantene kon borom bi kon ci hadith qudsi bi wala bok ci hadith bi yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dafa gisul tek dafa gis borom subhanahu wa ta'ala ci hal manam kon borom subhanahu wa ta'ala moko feño ci anam gogu non lol mom motax alamul khayal mu nek alam bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala ci bopam dafa fay meuna feñe wala dafa fay meuna feñe mais lol munu nek ludul ci alamul khayal te ko kon lol moy lan moy borom subhanahu wa ta'ala dafa manifesté wu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam gogu ci jëm joju non mais teki wul ne yent borom bi subhanahu wa ta'ala mom ci jëmum manam ben boy la manam ben jeunom la lolou teki wul lol voilà mais da ko feño non voilà lol mom motax amna différence bu maga mak entre borom bi subhanahu wa ta'ala dafa feño nangam ak borom bi subhanahu wa ta'ala dafa incarné wu ci nangam yi manam lol moy lan moy ne borom subhanahu wa ta'ala jërul jëm fit boy bi ba paré da dem dugg ci biram incarné wu ci kok manam jeunom ba paré incarné wu ci kok lolou borom bi deful lol mais borom subhanahu wa ta'ala daf ko feño ci jëmmi koka manam moy dafa manifesté wu ci jëmmi koka voilà manam ci ay tour ak ay melom la dajal la manifesto ci kok lolou mom moy indi bi ko borom subhanahu wa ta'ala manam jele tinxam tek ko ci digeunte ñaari mbagam bi bu mu jek seday bobu non manam lepp xam xam yep do di ñew ci mom mu yent bi sallallahu alayhi wasallam xam ko ci ben ci ben moment bobu ci ben instant bobu mu xam lepp en même temps voilà mais lolou ci alamul khayal la meuna nek manam man tu nek ci mu nu nek ci lu nek manam du sak voilà voilà comme niñ ko xamé manou kon alamul khayal aduna lo bo xamantene moy aduna bi bi nga xamantene lepp man na ca ne manam lepp luñu mënul imaginer rek réalité manam dafa mëna possible ci alamul khayal parce que comme niñ ko waxé fiction la khayal moy fiction buma togué di imaginer dara lool moy khayal manam lo xamantene man ta ne ci dans la réalité lool mom mo yoy ñoy xew ci aduna bobu mais que aduna bobu tamit benen aduna la bo xamantene aduna bu lan la bu réel la wano mune legi borom subhanahu wa ta'ala khabara nañu mom tamit ta'ala aji kayji ne mom borom bi kat fi sama'i mi ngi ci asaman ci wal ardi ak suuf ci comme nimu ko wax suratul zukhruf aya 74 mune wo wote mom alladhi moy ki nga xamne mom yalla fi samaa'i mom ci asaman ilahu muy bur muy ci asaman ci nek fu bur wa fil ardi ci suusu ilahu nek fu bur wa wote mom yalla al hakim moy ki nga xamne mom moy xereñ te xereñe atté al alim moy nga xamantene mom moy ki xam lepp mom moy ki daj xam xam kon kon fi dañ ci xamé tamit ne borom subhanahu wa ta'ala manam kon mom moy bur bi nek ci asaman yi nek bur nek ci suusu kon mo yalla mais bo xolé fi dafa ni mom en tant que ilah manam en tant que divinité manifester na divinitém ci asaman ci ak ci souf ci mais teki wul ne ci jëmum mi ngi ci asaman ci wala ci souf ci dedet en tant que divinité la manifester ci asaman ci ak souf ci motax ñepp xam nañ ni yalla moy ki ñu wara jaamu même ñi nga xamne dañuy jaamu leneen sax xam nañ ni yalla dañ ko wara jaamu même bu de nak ñom dañuy jaamu leneen dañoo japp ne loola da leen day tax ñu gëna jëgë yalla mais wala bok dañuy japp ne amna benn yalla mu bak bi mais téré wut ñu wara mëna jaamu leneen manam yoy yep et puis yalla mom mo manifester wu ci divinité yoy manam amul dara lu ñu mëna jaamu manam kenn buy jaamu dara duko jaamu parce que dafa manam jaamu wuko ngir jëmi bopam mais daf koy jaamu ndax ne dafa japp ne yalla la manam divinité la alors que en réalité du divinité kon lool limi tek moy yalla moko feño à travers mbir mom mu di jaamu pour mu jaamu ko luy preuve bi moy ne amna yeneeni moromam ñu fi nek ci jaamuñ ko manam moy lan moy ki nga xamantene dafa jël ab bantam yatt ko tek ko wala ab tabax tek ko diko jaamu kogu nonu jaamu gi mi jaamu bantu bobu nonu ak wala lool nga xamne dako yatt ba taxaw diko jaamu preuve bi wala ni mom jaamu loolu ci jëmmi bopam mais yalla ko feño ci manam dafa joom ci nim concevoir mais que lool mo motax muy am bakkar manam dafa joom ci nim concevoir mbir mi mais que ndax dafa askanale yalla ci lo xamantene yalla meunekut fuko teunk ci lola mais le fait que muy jaamu lola moy wanene yalla mo manifester divinité ci lola manam mo feñal le fait que ñu war ko jaamu mu feñal ko ci lola ce qui veut dire que mom mi ngi jaamu yalla sans mu xamne mi ngi jaamu yalla lool mom motax nak mu ci am bakkar te lool tamit mo moko indil punition bokale bobu mec bu grave bobu mais que effectivement mom mi ngi jaamu yalla mais djublu ko ci won mais yalla moko feño a travers lool lool nak li preuve moy ne amna yeneeni bant yu nek fi te jaamu wulen parfois sax da ngay gis da koy jaral mu déplacer wu ay kilomètre ha pour dem lan pour dem rek dem jaamu ji manam ben ne parce que sen tour mami fele la ne wala sen nangami fofu la ne mu jaral ko déplacer ay kilomètre parce que bu doon soow mi kessé la ak legen bi ñi tek ci wet gi ak beji ni yi ñi di dé bu dé lool rek la mëna ko am fi mu nek mais li tax muy déplacer wu fele moy ne manifestation manam mom fofu la gis divinité manam liñu wara jaam mom fofu la ko gis té lool mom moy ne borom bi moko ci feño and ak ne divinité wu yalla manam ya manam mune ko teunk ci dara manam lool yépp da ngay gis ne manam voilà lool kon manam borom subhanahu wa ta'ala xabaare nañu ne kon mi ngi ci mom moy yalla bi nga xamne mo ne ci asaman ni nek ci suuf ci tamit and ak ne li nak lan motax mu motax suñu li tax mu motax suñu mo ne yalla ci bopam dafa amul jëm dafa amul corps physique ba pare dafa amul espace amul temps tamit yalla amul espace bu mu nek amul temps bu mu nek te malgré ne amul espace bu mu nek amul temps bu mu nek mom neena mom mu ngi ci asaman ak suuf ci ak adeur amna fenen ci benen ci benen bu nane huwa allah bobum allah lay tudise wa huwa allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibuna mo yalla ci asamani ak soufse lolo ta al hafiz ibn kasir rahimahullah ci ay bobu dafa ne ñi nga xamantene ñom ñu bor xam yi wax rahmatullah alayhim ci ne mom yalla mom moy yalla ci asamani ak soufse manam sik neeku ci ne dindi nañ ci bepp wax bo xamantene manam loolu la mom moy li jahmiye yi di wax loolu boroxom yeb d'accord nañ ci ne tekki wul loolu jahmiye yi luñu wax jahmiye yi dañuy wax ne yalla mom mi ngi fepp manam yalla nek la go xamne mi ngi fepp alors que bobu wax mom wirul amut moy li doon wax kéro amna bima ko doon waxal yakarna yeen la won ni li gëna yéme moy ni ñun da ngay di gis ño xamantene dañ leen di jappé ko borom mi xam xam yu mag parfois sax ñu bëkk ñu tek titre borom xam xam bu mag la mu di wax ci télé bi wala ci radio bi wala mu nekk ci gamu yi wala ci xew xewu diiné di wax né yalla mi ngi fepp alors que wax joodu dafa dangereux dafa grave loolu tax awami légui na ñoom ñep loolu lañuy wax awami moy le coma quoi ñi nga xam dé jangu ñu ñoom ñepp loolu légui loolu lañuy wax lutax parce que dañuy gis ño xamantene dañ leen di jappé comme ay borom ni xam xam ay référence ultime ñu di wax ju gravé no ñu né yalla mu ngi fi subhana rabbi alors que lolu amul dé yalla amul beurep amul place nekul ci bir aduna bi nekul ci bitem amul fu mu nek voilà buñ né dafa nek dans le néant manam bu doon tubab buñ né il est dans le néant lolu tamit amul parce que le néant tamit existence la bo xamantene créature la bu yalla créé bu tuddu le néant yalla amul lool en fait yalla dafa amul espace ak temps mom mo créé espace bi ak temps bi du dépendre ci espace bi ak temps bi du nek ci espace bi ak temps bi parce que espace bi ak temps bi bo ci nekké dañ lay régir espace bi ak temps bi so ci nekké dañ lay régir té lool ku né xamna ko ci ñun képp ko xamantene day preuve bi wone ni ñun fok manam fok manam dañu neew doole preuve bi gëna mag bi koy wone mais ñun dañu ñak katan moy le fait que ñu nekk ci bir espace bi ak temps bi lool moy preuve bi gëna mag bi wone ni ñun dañu impuissant faible lool moy preuve bi koy gëna wone ndax lepp lo xamantene daf la cerner daf lay daal di dominer lu la cerner da lay dominer voilà Serigne Moustapha wa do bëggoon nga éclairer ci lu tout ci li nga wax yalla il est partout voilà le mot il est partout voilà non lolu mom moy li nga xamné unanimité la manam yaakarna parce que yi ni wax yi ni leral nañ ko yaakarna ci jotay yi di wessu mais du téré comme que question bi soulevé wu watna du téré ñu revenir rapide parce que effectivement man xamone na né suma ko waxé dina heurté conscience yu bari lool xamone nako lool mo motax mu insister ci et que à chaque fois suma amé occasion mu insister ci wat parce que lan motax parce que dafa important dafa nek un point important ci pass nit parce que nit pass passam su baxé à partir de moment bobu lepp mën na bax mais su fekkenté ni dafa considérer yalla lo xamantene dafa graw lool motax limi wax né yéfer yi lool la leen di punir moy daf leena zalikum zannukum alladhi zannantum bi rabbikum fa ardaakum wa asbahtum min al-khasirin neena yéfer yi bo gisé ma tegg leen mbugal bu metti bi moy ñottu gu ñaaw ci amon ci borom bi deug loolu nak mom mo leen yobbu ci alkande ak tortangé yalla nañ ci yalla mussal mu ne motax ñom ñu daali bok nak ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi perte wax joju loolu mom motax wax joju nak en fait dafa faux lutax mu faux mom moy liñ doon wax sank parce que bo ne xam nga mi ngi fepp loolu limi di tekki moy dafa occuper espace bi yépp loolu lay tekki manam moy partout où il y a un espace un espace partout kon où il y a donc on reprend partout où il y a un espace yalla mi ngi fofu loolu lay tekki et que donc dafa am donc dafa am ben existence bo xamantene existence physique buy waral ne par exemple fi ma nek ni man fi ma ne ben parti wu yalla mi ngi fi yow fofu nga ne benen parti wu yalla mi ngi fa et que buñu deme fenen benen parti wu yalla mi ngi fa et ainsi de suite de ce fait mu englobé espace bi c'est ce que c'est loolu lay tek en fait té loolu nonou pour mu ne il faut que ñu mën concevoir que yalla mu am corps physique benen bi ci dess non nak moy problème bi lool mom moy problème bi manam buñ né xam nga yow esprit le mot esprit bi nga utiliser lool mom mo adéquat lool mo adéquat par rapport ak fini ñu ak li ñu wax ci borom bi on parle de l'essence esprit ou dom adam ruh la tuddu mo ñu bëggé wax ci dans le cadre de la explication yalla wa du divin ouais wa le divin ouais mon ami utilise le mot essence wa l'essence on parle de l'essence bon dieu donc on peut dire que l'essence du bon dieu non voilà exactement xam nga lan motax parce que essence bi pour mu exister essence bi existence essence bi dafa précéder espace bi wala dafa and ak espace bi wala dafa ñeu après espace bi ban la avant daf ko précéder ok légui non au moment où dafa précéder essence espace bi mom moy kon mom avant muy di nek ci avant espace bi di créer mom fan la nekkon il est déjà là mais il est déjà là mais où pas dans un espace voilà d'accord légui ce qui veut dire que alors que dafa am ben règle bu importante moy yalla bon moy toutes les perfections mom yalla dako am et que toute forme d'imperfection mom yalla daf ci deñ lotam benen règle la bo xamantene tout le monde est d'accord là dessus on est d'accord légui ñu jëlat kon ñu jël point yi ben par ben amnañ petit a moy lan que ni yalla il a précédé l'espace et le temps voilà parce que le temps bi du dara dudul du temps bi du dara ludul espace bi moko créer parce que s'il n'y avait pas l'espace sulul won ne dafa am par exemple ben planète bu di tourner di dox wala benen et cetera manam ay événement di xew ci ay environnement bi ñu koy gis muy di feng et cetera kon temps bi duñ ko mëna wax duñ mëna wax temps bi donc temps bi c'est pour exprimer le fait que ben événement yi ci univers bi wala ci espace bi di xew donc en fait donc le temps même en tant que tel c'est une forme de lan lañ ko tuddé c'est quelque chose d'imaginaire en fait bo xamantene dafa pratiquer wu dans le réel lolou moy yalla katanam moy lan moy day jël lo xamantene normalement c'est imaginaire mu conso def ko ci xelu nit ñi ba mel comme si étant quelque chose de réel mais sinon espace bi mo fi nek et que espace bi mo créer temps bi légui kon yalla ñu jëla petit temps moy yalla dafa précéder son naissance précède l'espace et le temps deuxième moy la yalla dafa dajale mbolem perfection yi dajale ba pare denc mbolem imperfection maintenant le fait d'être dans le temps ou dans l'espace c'est une forme d'imperfection pourquoi c'est une forme d'imperfection parce que depuis mbir bu nek ci temps bi wala mu nek ci espace bi c'est quelque chose qui est voué en tout cas à la disparition alors que l'essence divine est pérenne et permanente voilà a toujours été et ne cessera jamais d'exister lol tamit d'accord nañ voilà et que le fait que petit a bobu luñu jappone comme petit a le fait que moy exister lolou dafa ñuy indiquer une autre réalité moy la moy né le fait que ni soxlawul espace ak temps pour exister et que c'est un paramètre bo xamantene du changer mam dafa c'est une constante lolou lañu une constante moy quelque chose bo xamantene quel que soit lui exister du ko changer d'accord nañ donc à partir de ce moment kon dinañu xamné comme du ko changer moy du changer aussi manam les caractéristiques même de l'essence au moment où du nous changer les caractéristiques de l'essence c'est-à-dire que c'est une permanence c'est une constante lolu la lay tekki lolu limi di tekki moy lan moy et légui meun nañu jël conclusion moy lan moy espace bi ak temps bi changer une caractéristique de l'essence c'est-à-dire qui est préalable à l'espace et au temps et à partir de ce moment-là du espace avec temps bi bu ñu créer wo duñ tax mom essence bi dal di changer ñeu dugg ci espace avec temps bi c'est lui qui a créé l'espace voilà exactement et non c'est pas voilà exactement on peut pas créer quelque chose et non le contenir voilà exactement mi ngi mel nit voilà mi ngi mel tay buma toge dessiner hein wallahi ma sha Allah buma toge tay dessiner ben carte bobu mënuma contenir man mako dessiner mënu ko dessiner bari ni ci bir ma ci dugal voilà voilà donc c'est ça et que lolu en fait qui primordial la manam dafa essentiel parce que lolu mom motax motax yalla en tant que essence dafa absolu et ba pare non seulement dafa absolu manam moy amul fumu yam amul fumu commencer amul ci lumu dugg amul mais aussi amna yenen mbir yu ci adu manam même en tant que essence dafa nek lo xamantene dafa inaccessible imperceptible méconnu de manière absolue manam bu ngi jëlaté exemple dessin bi mo wax sank moy tay buma dessiner ben jeton buma togué jël sama feuille ak sama crayon dessiner ben jeton lolu nonu ma dessiner munul am perception ci sama bop manam munu ma xam voilà l'ordinateur bi exécuter programme hein ordinateur bi xam dafa intelligent boko wax mu def mu la xam voilà munu ma xam man te man pourtant mako exécuter l'ordinateur bi sama téléphone portable bi donc en gros comme voilà donc c'est un point la point la essence direct la voilà voilà voilà alhamdulillah voilà donc lolu motax au moment où donc pour revenir voilà au moment où kon yalla amna nak lu xew manam kon affaire bobu buñ ko jappé dañ ko wara comprendre mais mu am lu xew moy né melo yalla yi ak ay touram sen effet da fay appliquer wu partout là par contre lolu moy deug moy nak moy né yalla xam xamam amul ci lumu amul accès mom amna accès partout et sur toute chose yalla nam namam c'est à dire sa volonté lan qudra sa puissance sa force hein sa puissance wala gis gisam asam moy non asam moy deg moy son nuit wala gis gisam moy sa vue etc yoyu muy di ay attributs dañu am accès ci lu ne et il s'applique partout manam lepp lu nuy gis rek lo xamantene lu visible la yalla gis gisam appliquer wu na ci lolu mi ngi ci lolu lepp lo xamne lu nuy deg la yalla degum ak appliquer wu na ci lolu lepp lo xamantene lu exister la namu yalla mi ngi ci lolu dundum mom yalla dundum amul attachement ci dara sa vie ne s'applique ne s'attache à rien mais mon moi origine existence et la vie de toute chose voilà donc paramètres lay xam essentiel la primordial la important la c'est histoire non que l'angle est furé quoi hein c'est histoire quoi non histoire wa lolu xam nga fekkiko wa ñun pourtant amna c'est histoire rek moy il y a trois séances ci cours histoire à la large en fait xam nga arach moy di moy li dominer univers bi c'est à dire que l'univers liko wala existence cosmos wala existence création bi yalla borom subhanahu wa ta'ala dafa jël trône mu tek ko ci kaw mu mur ko comme ni asaman ci enveloppé souf ci mu englobé souf ci subhanallah bi motax souf ci ben point la bu ndaw ci lat ci asaman ci manam ben point la bu ndaw ci univers bi asaman bu jik bi souf ci ben point bu ndaw la ci c'est à dire que mbolam ñi nga xamne ñom ñoy ñu bax ni ñu bon ni xëccoo yi xiro yi ngaayo yi han rayante geek lepp ci point bu ndaw bobu la def en fait boko xolé ci espace bi buñu defon photographie espace bi point bobu du visible mo souci ñi ngi di deg ñi gaay ciow yu bari yek dem geek dik yep fofu la point bu ndaw bobu la am hein voilà motax c'est important parce que aduna la vie dund fi le possible fi motax yalla fonk ko and ak lolou yep souf ci yalla dako fonk mom mu nek création ci par rapport ak asaman existence mu nek création bi mu gëna fonk ci le def yenenti alayhi salatu wassalam ñoo gën ci mindi fi fofu la ñek nit ñi gën ci nit ñi ci biir souf ci lañu nek sen yaram ci biir souf ci lañu yowmal qiyamati sax bu ko taxawal souf ci lay mom lay taxawal parce que souf ci lay lay wul la yëngalat rek gaay gën ku ne sa ba mel nga gën mu nek ci mu talalat ko du mu dat souf ci lay talalat gaay commencé ku nek ñu dajale len fang len ayo dem len et que bu boba tout le monde dañuy dajé mu teural até bi tek limi tek gaay dem ay dina wala sawar yoyep ci souf ci la koy amal min ha khalaqnako wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ci souf ci lañ leen bindé ci souf ci lañ leen di dugalat ngeen delu wat ci bir té souf ci ci lañ leen di génné waté benen yoon manam lepp di xew nak pour nga gis manam yalla katanam kenn xamnu to manam and ak lool yep lepp ci ben point bu ndaw ndaw lay am bo xamantene buñ ko photographier wu ci sunu voie lactée bi je ne parle même pas de l'univers mais de la voie lactée moy notre galaxie suñu galaxie bi ñu nek souf ci mën na nek point bo xamantene duñ ko gis ah motax aussi ñu wara comprendre suñu insignifiance mais aussi suñu impuissance hein suñu manam ñu xamne darul dara en fait voilà cho manam xëccoo bi jaruko ak xiro ak ngaay gi jaruko parce que ba paré aussi fi rek lañ am si fi rek lañ am comme li Obama waxon kéro wax na deug amul plan B fi lañuy dundu amuñu plan B kon nañ fexé ba topato ko ay donc souf soso borom subhanahu wa ta'ala dako daf la manam bo xolé kon boko sanné ci bir asaman benn bu ñëk bi asaman bobu da koy mur de telle sorte que comme niñ ko waxé légui buñ ko photographier duñ ko gis voilà c'est comme si yentou sallallahu alayhi wasallam exemple bimu ci joxé moy buma jëlone jaaro bi ma sanni ko ci lan ci désert bi ñew na len gaay kat sama jaaro ba day ma nga ca sara ba désert bi mais do lan ma jappal ñu séti ji ko manam utopie lay do manam ni waji dafa da fay commencer dof wala xelmi dafa commencer tak ko ngou tag la ko mom parce que lan motax parce que dafa utopique ce n'est pas raisonnable ngay di ñew di set jaaro bu touté ni ci désert sahara bi nonu le asaman souci non la mel ci lan ci asaman su ndeuk ci asaman bu ndeuk bi ak suuf ci so len bolé non lañ mel ci ñaarel asaman bi ainsi de suite manam kon borom bi subhanahu manam physiquement asaman si dafa am jëm buñu démé ba ci kaw buma xolé damay gis ni borom subhanahu wa ta'ala man ni mu dominer suuf si nim ñu mettre dans des conditions yo xamantene daf ñu restreindre et que dañu contraindre ci ñuy daw daw selon sa volonté et sa volition. Ah oui, sa décision mo moy dox ci ñom. Donc ñun buñu gisé jëm suuf si ni lolu dafa leer ci asaman ci non la yo xamene non la mel ci asaman ci non la mel ñaaral ñettal ñentel juroom benna juroom ñaare asaman yépp manam fekk asaman bu nek boko bolé suuf ci ak yeneen yi ci dess soko téggé ci asaman bi ko fété kaw non ni mi riré fofu day mel comme jaaro bi ñu sanni ci sahara bi ba ci juroom ñaarel asaman kursiyu bo mo après kursiyu la moy le piédestal bo jëlé ap ma kursiyu ci lak moy chaise le piédestal so jëlé juroom ñaar asaman ak suufi nga sanni ko ci kursiyu bi non lay nek ainsi de suite nga jël kursiyu ak asaman ak suufi nga sanni ko ci arash non lay nek arash nak ci lay tejé mbindi fi kon istawa ala arash limi tekki moy la moy mo yor mo dominer arash tay bu mané mohammed vi mo tok ci trône maroc la lay tekki moy bour bi moy bour bi lay tekki moy bour bi moy def di dindi mom mo koy gérer mo koy administrer lolou lay tekki ñu melni tay wala buñ né tay seigne diou de mo tok ci djall bi mo tok ci djall bi dañ koy wax est ce que dama tekki dafa am ben djall buñ tek ni mu tok ci rek après tok nonu tekki wu lolou han parce que lolou amul sens motax mom moy yalla bi nga xamantene ci turum bobu ñuy wax ar-rahman ci la yemowé ci arash manam ci la han yili ci arash motax way kato arab bi ne istawa bishrun 'ala al-iraq min ghayri sayfin wa damin mihraq bishr bi denga yemona ci kaw arashu iraq ci kaw iraq manam moy lan dominé moy ki yilif na iraq sans mou tour de rek sans jassé am ak dérèt du tout voilà kon istiwa bobu lool la manam moy né dafa jël manam motax soit dañ koy furé par dominer, prendre possession ou s'installer. Voilà. Voilà, il y a maintenant. Ah, il y a un film qui est en train de se faire. Mais il y a un film qui est en train de se faire. Mais il y a un film qui est en train de se faire. Même si il y a un film qui est en train de se faire. En français quoi? Si. Si, il y a un peu de temps. Je ne sais pas. Mais. Si. Voilà. Donc, c'est ça. Mais tu sais que le monde a une physique pour dire que tu as une arrache. Non, tu sais que c'est ça. Et je pense que les gens qui ont été dit, nga xamantene dafa waxone yalla mom moy yalla mi ci asamané mi ci soufsi xamna sen mbot hein yalla musirako mo jaharako ak li ngeen di biral wa yalla ma tek sabunte xamna li ngeen di fagu loolu mi di tek moy fo len man di nek ci asamané soufsi xamna ni yalla mi ngi jakarlo yor xamna li ngeen def xamna sen bir ak sen biti hmm voilà et que mom mo dominer univers bi donc lolu mom la donc ak ay yi ñu jota wax yépp ak hadith yi yépp man surtout ay yi nga xamantene ñom ñoy wax ne yalla dafa yalla moy ki nga xamne moy yalla bi ci asamané bi ci souf ci etc ak yoy day wone ne yalla amul espace parce que mënoone mi ngi ci kaw arach en même temps top après nga wax ne mi ngi ci asamané mi ngi ci souf ci après nga wax ne da fay wacc comme par exemple comme ba ci asaman su ñëk ci comme jour ko rété wala jour arafat mi ngi wacc ba ci asaman su ñëk ci wala nga wax ne dafa manam hadith yoy di wax nan guddigu cieru guddigi day wacc ba ci asaman bu jekk bi etc manam yoy yep soko bolé da ngay xamné amul niveau amul fumu né ak tamit le fait que ñu mu wax namé né yent bi né salalahu alayhi boy julli na nga xamné yalla mu ngi ci sa kanam etc manam bo bolé yep ak mu né tamit bo lé sujud mu ma bob nga gëna jégué yalla gis nga bu lolu mo lay wone toutes ces choses là duñu physique parce que suñu doon physique dañuy contradictoire dañuy contradictoire tout simplement moy wone ne yalla yimuy wax yoy yi ñi wax yépp ci alcorane ci hadith yépp moy ni lañ contre moy ni kiw waxon nañ sax d'ailleurs ci jour bobu ba wax hadith bobu nga xamantene mom la ñi di moy di wahhabidi mom lañuy faral di mom lañuy jël def ko imnu daf ko porte étendard diko ciup ciupé han di contane ci lool buñu tuddu hadith bobu ngir warane ñom dañ japp né yalla mom mi ngi ci kaw ba tax buñu wax né sax ñom dafa bok seen mbir mo né lan moy buñu né ana yalla dañ na mi ngi ci kaw té ko lool lañuy faral di jangal nit ñi tamit té lool lañuy wax té lool dafa graw parce que le fait que nga né mi ngi ci kaw moy dañ ko teunk ci espace bobu dañ ko teunk ci benn espace té lool tamit benen gravité la benen gravité la ndax lan ndax hadith bobu ñu jëf ñiko moy ban bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah moy ne yent bi sallalahu alayhi wasallam dafa am ben jam bu ñewon ci mom mu bëgg ko testé ba xam waji gëm ba xam jam bobu gëm na yalla wala def fekk jam bi dafa doon jambat yent bi ne kiko mom doko doon a peu près maltraité ta yent bi nak sallalahu alayhi wasallam laaj ko manam muneko ci hadith bi nimu waxe text bi ayna allah fu ana yalla muneko fi sama ci asaman muné atiqha fa innaha mu'mina mu woko ko momon neko gorel ko parce que ki ku gem yalla la parce que fek bobu jambi dafa don sam ay xara ay gatt da ay xara ki beuy am ben nak bu ci tilu lek tilu wi mok tilu moy lu bi lek ko ben boromam japp ko duma yu metti metti mu nak mu ron nak ñew nak di jambar lolu ci entibi sallallahu alayhi wasallam wala mota entibi sallallahu alayhi wasallam bim ko laaje dañ ko ana yalla fu yalla ne neena mu ne ko ana yalla mu ne ko mi ngi ci kaw mu daan ne ah kon gorel ko ki lan la ku gem la lolu gisone nañ ne hadith bobu riwaya bi maana la manam riwaya bi du riwaya bi lafs manam kiko solo manam ruwati ñiko di solo dañ ko solo ci maana mais pas ci kaddu et que dañu wax rek li nga xamantene mom lañu gis ci riwaya moy lan hadith bi dafa ñew ci ay téré yu bari ñewna ci mu waqta imam malik rahmalahu solo na mom hadith bi mais bi mu laaje dafa ni yentou sallallahu alayhi wasallam dafa ni ko atashhadina an la ilaha illallah wa anni rasulullah qalat na'am est ce que sene nga ne amul ben burul yalla e ko man yent la mu ne ko waw ahan kay mu do ko wax ne waji la kon gorel ko ki gëm na yalla amna ci benen riwaya bo xamantene moy nek ci ibn khuzaimah rahmalahu d'ailleurs ak imam al bayhaqi rahmatullah alay ñom dañ ni d'ailleurs non lañ mu ñom non lañ ko intitulé moy na lan moy al kharas al akhras shahadatul akhras manam ne dañuy sédé né ki lu manam ki muuma manam mulu mom day mën di sédé né yalla manam dañ koy mën di sédé lo su joxoñé rek dañuy mëna xamné ki sédé na né yalla manam sédena batu séd man waxna batu séd moy asadallahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci hadith ñom seen riwaya dañ ne hadith bi même hadith bi la ñu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne jambi ni loxami ni ba para ni ko ni manam moy est ce que gëm nga yalla man lo gëm mu ne ko ni manam moy ne yalla manam li mom moy yalla kenn la gëm na ni yalla kenn la legui bim kon manam dako liyar dako liyar motax ci riwaya yoy ci li gëna léré hadith bi bo xolé riwaya yim ñew yeb manam dañuy wuté ci nit ñi netalé ki def nan ko ndax da nga sédé na amul ben burburu yalla ka fane yenen tam la kene dafa est-ce que gëm gëna yalla kenn la ké wax né est-ce que ana yalla ki li dess wax manam yoy yeb mais bi mom mo bi gëna léré moy daf ko liyar manam mo li wone kon ko kum ko mu ki bobu jam bobu dafa mu mu won manam mu nu won wax le ko kayen tib sallam ni ko ni mom mu ni ko ni manam moy ne daf ko sédé lo rek batul ñen ñi motax niñ ko comprendre rek moy dañ ko sédé lo batul shahada ñi res japp kenn ki di netali hadith bi ci riwaya ci sahih mom muslim rahmalahu bobu dafa jappone limi di tek moy lan moy dako lak ana yalla alors que buñu xolé ci l'islam ci sharia amul ben kenn kuy di dugg ci l'islam ñu nan ko condition bi moy ñu laaj la ana yalla ba nga ni mi ngi ci kaw ñu ne yow legui julit nga lool du won condition moy non lañu duggé ci l'islam moy nga wax baatu cede yi donc lool day wone ne manam ñom hadith bobu ñu japp di ko ciëpp ciëppé di contane tout temps pour di wax ne yalla mom mi ngi ci kaw lool taxawut benen bi ci dess moy ne yent yalla isa alayhi salatu wassalam borom bi dañ inni ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila yawm mutahhiruka yalla yent yalla musa man de mangi di yekiti han yent yalla isa alayhi salatu wassalam han ba la wax han wa yent yalla isa alayhi salatu wassalam ne yow man yalla dañ ko man de mangi lay lan ma wala han mangi lay inni mangi lay rox ay nelaw ha yikiti la ci man label la musul la ci ñinga xamantene ñoom ñoy ñu wedd ni manam li le fait que mu yikiti ko mu ne da ko yikiti ci kaw ci man neena dama la yikiti inni rafiuka ilayya dama la yikiti inni mutawaffika dama lay fat manam moy nelaw lola wa rafiuka ilayya mu yikiti le bo ci man te motax pourtant ay bobu ñoom dañ koy sukkandiko pour japp ne yalla mi ngi ci kaw alors que ay bobu tek moy di wone ne ñoom effectivement li ñu wax dañ joom yalla neekul ci kaw parce que lutax li di wone lolu moy lan moy le fait que mu ne ko dama lay yikiti ñami na indi na ci man dama lay yikiti indi na ci man alors que ñu xamne yent yalla Musa alayhi salatu yent yalla Isa alayhi salatu wassalam mom ci ñaarelu asman bi la ne yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mi di rañan fa la ko fek ñaarelu asman bi fek ha alors que ñom japp ñu ne yalla mi ngi ci ñaaral asaban bi ñom dañ ne yalla mi ngi ci kaw arach top au moment où xam nañu ne kon yent yalla isa rasul liko li yalla wax non tektelewul ne manam keñ kon mi ngi ci kaw lool preuve la buy wone ne wax joju keñ duko deg dans un sens propre manam dans le sens apparent ni plutôt et que kon yoy yep dañuy meuna comprendre que cette vision des choses cette compréhension des choses exacte juste te buñu xolé le fait que ñu né fi nga gëna jégué yalla moy bi ngay sujjo fi ngay sujjo moy fan ci souf fa nga gëna jégué yalla en même temps ki gëna jégué yalla yeenbi sallalahu alayhi wasallam bimu doon rañan su doon né physiquement lañuy wax kon lutax mudi dem yegg ba ci kaw et que budul won lool lan motax kon mudi gëna jégué manam mudi gëna jégué yalla tam bu sujjoti su né mi ngi ci kaw et cetera donc yoy yep ba bare lan motax keni ki di julli ci kanamam la yalla né parce que man bu may julli bu fekkene dama japp ne fini lay julli et que dara warul dox sama digënté ak yalla motax kenn warul jaar sama kanam kon moy ni yalla mi ngi ni sama kanam loolu lay tek mais que man bu may julli mi ngi sama kanam kenen ki te manam kon téré wuñ téré nañ mu jaar fi bu dé fi moy xibla téré nañ ma kenn jaar fi sama digënté ak saafir bi parce que yalla mi ngi sama kanam kenn warul dox sama digënté mom mais que ki taxawé né di julli mom tamit manam alors que waji mën na jaar né ci ginnaw saafir bi bu dé ki di jaar mën na jaar ci ginnaw lima samp tek ko sama kanam wala mën nako et que kenen ki di julli ci ko sama kanam mom tek saafir koku du mëna jaara fofu yalla fi la nek wala fe et cetera manam yoy yeb da ngay gis ne ba pare boole ci mune hajar aswad a pierre noir bi mune mom moy ndey joru yalla ci kaw suuf manam lolou kon bu fekkone da ngay jël wax ji rek ki dans un sens ni propre manam bok apparent très apparent la plus apparente des choses moy ne da ngay dégné yalla mi ngi tok ci kaw et que buma di julli mom mo lay gën di djégé kon mi ngi wër mi ngi fini et que buma manam bumay sujjot fofu nak par contre sax nak la ko gëna djégé wé et que suma keni dafa tok ci kaw waya loxo ndey joram mi ngi fa mi ngi ci kaaba gi touté nonou bañ moy hadjarou aswar bob moy xeer bu touti bobu fofu la mais lolou yanoul manam lolou mom motax yoy yep ay tadjaliyat la lolou mom motax ni voilà lolou la lay manam ay manifestation la yu yalla di manifester ay mbirum alors que dans ces manifestations lolou meuna nek ci place yi meuna nek ci et cetera manam meuna di manifester wu ci place yi ci espace bi ci temps yi et cetera alors que essensam mom mo amul lieu essensam mo amul lieu amul temps voilà legui wa won sama la chaîne won yenn dalil manam dañu am pour mëna dëgëral le fait que par exemple ñi ñaan ñi tal suñu roox diko ko voilà exactement buma day ñaan damay talal sama loxo ci ko lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañuy wax ne c'est parce que ni kaaba gi nekk qibla xam nga tay xam nga dañ ni kaaba gi moy neegu yalla nekk ñun liñ ci xamone dal en tout cas de manière apparente moy place la bo xamantene fa ngay nekk fa ngay dëkk manam fa ngay di fanat fa ngay di nekk déjà tay bu fekkonté né dañ jël le sens apparent des choses rek kon dañuy gis né manam dañuy mëna concevoir yalla ñu mën ko contenir ci benn nek voilà alors que trône mi ngi ci kaw té trône bi mo ëmb univers bi aduna bi yépp existence bi yépp loolu tamit benen affaire la manam bu ci légui li tax mu tuddu kaaba gi moy kaaba gi mom moy qibla bi manam man sumay di julli damay djublu qibla bi ne damay jakarlo ak sama borom subhanahu wa ta'ala wala deugna kon le fait que bumay djulli may jakarlo ak yalla may di jakarlo ak yalla mais ci direct ci kaaba gi lay djublu et que duma djublu fenen buma tayé djublu fenen sama djulli baxul parce que jakarlo wu mak yalla alors que buma day tukki wala may nek ci circonstances yu difficile yo xamantene dañ ma am contrainte munuma djublu dudul fenn ci djulit na fi le ci diboude damay tukki mais bour sino yenen circonstances fuma meunti yu difficile fuma meunti djublu la fofu ma ngi jakarlok yalla fofu mais boude temps normal ni rek qibla moy kaaba gi fuma djublo fenen fudul fofu te tay ko awuma djulli kon lolou moy djem yi sen qibla fofu la quant a ñaan yi qibla bu ñaan moy ci kaw lolou motax ñu di talal loxoy ci kaw parce que lutax dañu parce que fofu la yermude yalla ci kaw lay wacce li ñew ci souf ndax lan ndax fofu la ñaan yi di li li manam yi nga xamantene ñom ñoy yi di dajalo di ay xewul yalla di ay fofu la ñi wacce manam di ñew ci kaw suuf motax ñu di talal loxo ci kaw mais teki wul la yalla dafa nek ci kaw parce que bu do lool rek la kon bu muy julli duma jublu ci kaaba gi wala ci yamo wala ci kaw la d'ailleurs arash moy lieu tay bu don dañ nan moy lieu moy siège royaume arash kursiyu moy lieu de décision arash moy siège royaume kursiyu c'est comme tay buñ nan ma moy primature lolou lañ ko mëna tuddé primature voilà fof lañu dabiru gis nga du dabirul amra mina sama fof moy tadbir fof lay joge ci suyu ci kursi voilà donc mais liñ bëgg wax dal manam légui nak ñu ginnaw biñ xamé yépp parce que yépp ay préalable lool mo motax ñuy wax né jotay kunuzi ay jotay la yo xamné manam mëno di féké li bu la nexé nga tardé li et cetera parce que soko défé après li ñi di wax du am fil en fait du am fil lolo tax biñ koy tabali premier jotay bi lolo la ñik wax né bi nak bokut ak yéne ñi jëna ci yépp bokut ak yéne ñi jëna ci yépp parce que bo ci raté rek mën na tax ba do comprendre manam li ci téggu wa bi mom dafa lacc sérieux bo xamné bokut ak yeneen yi parce que ba paré sujet yi ñu graw en fait ci yi ni traité ñoo en fait yu graw yi lay wax la la tax dafa compliqué quoi du lu yomb quoi facile légui kon bon mais on va toujours essayer pour ñepp di nek au diapason quoi di nek dans le bain voilà wa wala ko bëgg de ngir faire fichier aussi légui minu kon buñu xolé dañuy gis né sens yi ñi wax yépp moy né kon yalla borom subhanahu wa ta'ala daf ñuy expliquer né manam daf ñuy xamal né manam ci en tant que manam ci xayal la application yépp amé xayal dans le monde imaginal de la fiction donc dans ce monde borom subhanahu wa ta'ala toutes ces manifestations ci lokoy defé muna wa akhbara khabarana ta'ala mom borom subhanahu wa ta'ala aji kayo ji ala lisan rasul ci lam ndawal mi sallallahu alayhi wasallam annawone mom min umaris ci way dekké la ci as-samawati as-samani wal ardi as-sursi manam ne yalla da bok ci ni dekké as-samani ci sursi manam parmi les habitants des cieux et de la terre yenti bi dani sallallahu alayhi wasallam law anna bu fekkonté né day as-samawati as-samani as-sabi di juroom ñaar wa amiruna ak ñeleen dëkk xeyri ku dul man manam borom bi mom moko wax manam ci ben hadith kursi borom bi dafa né bu fekkonté ni ñi dëkk as-samani ak suuf yépp té bokku ñok man non ñi dëkk as-samani yépp té bokku ñok man wal aradina ak suuf yépp as-sabi juroom ñaar ñoom ñepp fi kifatin ñi ngi ci ben plateau balance wa la ilaha illa allah am la ilaha illa allah fi kifatin ñu nek ci benen plateau balance malat dana jeng bi hinna ci ñoom ñep baatu la ilaha illa allah manam ben baatu la ilaha illa allah yalla ne ñi dekk ci asaman ak suuf ci yep ñu bokut ak man bu ñu nekkon ci ben plateau balance baatu la ilaha illa allah ñu tek ko ci benen plateau balance ñi lepp ñu tek ko ci manam da nga gis baat la ilaha illallah day daldi weng deng daldi dominé ta baat la ilaha illallah for na mo hadith bobu akhrajo solo nako abu ya'la ba pare ñu ko solo wattaqa dafa wëral rijaloho manam ñi nga xamantene ñom ñoo goor ñi nekk ci hadith al-haythami al-imam al-hafiz ibn hajar الحيثمي رحمه الله وابن حبان ابن حبان تم سورنا كوار حاكم wa sahahu imam al-hakim rahmatullahi alayhi solo nak bu bari werul ko wal bayhaqi imam bayhaqi rahmatullahi alayhi solo na hadith bi tamen fi al-asma'i wa sifati ci terem bobu wa abu nu'aym asbahani rahmatullahi wa an-nasa'i mom tamit solo na hadith bi sanadin sahihin ci chalalay bu wer xalaho ko ki wax ko lol nak moy al-hafiz ibn hajar al-asqalani fi al-fath al-bari wa sa'id ibn mansur tam solo nako abi sa'id ibn khudri radiyallahu ta'ala jeng ko jelo ko ci sayna wa sa'id ibn khudri radiyallahu ta'ala mu jelo ci yent bi salalahu alayhi wa sallam mun sa borom subhanahu wa ta'ala neena wala bu don wa asman yek suuf yek et cetera ba hadith bi ye uhu wa akhbar khabarana mom yeen an nabiy yent bi salalahu alayhi wa sallam jelo ci mom borom subhanahu wa ta'ala ji kaw jene annana naka ñun de law dalayna buñu wacce won manam buñu wacce won bi hablin ci boom ila ardi jëme ko ci suuf asabati bay jurom ñaarel la habata day dana rot di neen dana rot ala allah ci kaw yalla okay manam moy lan tay ñun mune yenté bi dañe sallallahu alayhi wasallam dañe buñ jëlon ñun boom tak ci baat wacce ko bu ci jurom ñaarel suuf ci jurom ñaar suuf ci famu yam buy wad bu dalé ci yalla lay dal dengo tax pourtant xam nga lolu da fay dadi lan contradictoire ak lan ak ne mi ngi ci kaw da fay contradictoire ak lan manam lolu mom motax yoyu wax yep dañuy xamne ay manifestation wu yalla la pas par son essence mais par ses noms et attributs lolu faut ñu def différence bob il faut que ñu xamé différence bob teni tour yalla manam teni yalla nek son essence ben affaire la bo xamanteni dafa inaccessible insaisissable imperceptible dans le mystère total lolu fo ñu xam ko et que amuñu ci ben accès ak ay tourum ak ay melom nak ci lolu lay manifester wu et que yi ñi wax yépp ci touru yalla yalla ak melo yalla même bu ñu wax ci arif billah ñi di deg arif billah les grands connaissants suñu wax ci yalla di xam yalla xam biñ nane xam nañ ko yalla concerné wul essence tour yalla ak melo yi rek la concerné essence bi non lolou fo mu leer nang ni midi su gëné leer midi sax mo gën si non lolou da war di leer lepp lu muy wax ci yalla concernant yalla ak son di am luñu koy melalé ak yenenel lolu on parle pas de l'essence car l'essence est imperceptible inaccessible insaisissable et est dans le mystère des mystères dans l'occultation totale lolu da war di lèr mam fop mu lèr nang de telle sorte que du leundum parce que bu li leeré rek dañu xamné yi ñi wax yeb dañ koy daal mëna comprendre et ces manifestations fan lañu nekké han manifestation yalla yi fan lañu nekké ci alamul khayal loolu mo motax yi ñi ci di wax yeb ci walum raisonnement do da ngay japp ni raisonnable alors que raisonnable na mais ci univers fiction yi alors quand on parle nul de la fiction c'est quelque chose qui n'existe pas alors que ce monde de la fiction par contre bi ñuy wax ñun ni monde bu réel la bo xamné yalla daf ci manifester turum yi ak melom yi yoy ñoy am ay effet de temps en temps ci yenn yi ñoy am effet fi suñu jotaay bi bo gisé mu am ni mu mel ni tay c'est parce que yalla dafa manifesté wu ci ay tourum ak ay melom ci aduna bobu mom mo am ay effet yoy ñu am effet yi nga xamantene mom moy mo apparent fi manam suñu aduna bi kon benn parti la bu ndaw ci aduna bobu mais aduna bobu mom ri aduna bobu fu mu amé nan la amé ha waxon nango aduna bob ci luñ ko bindé ha ci souf wala waaw kay yow dagay deggu ci soufos mom adama la ay salatu salam mom adama biñ ko bindé ci ban bob souf restant bi mom lañ ko bindé lool nak wala moy ardu simsima wala ha wala ci lan fofu ardu simsima fofu ne ha ha de guma de ardu simsima fala ne ha ha Voilà. Voilà. Tu montes à nous Kaf. Voilà, tu montes à nous Kaf. Faut le Monte à nous Kaf, faut le lan tawkhul akhdar moy lan moy ki bi kan lan mom la fat fat ha wa voilà mais kon tawkhul akhdar kon tawkhul akhdar mo nek ci jabal khaf et pas du contraire voilà légi jabal khaf fal la né Hmm? Touba. Hmm, Touba est un garab. Touba est un garab. Si vous savez, c'est un garab qui est dans le khaf. Le garab est un Touba, c'est un Tosano. Le garab est un Adjana, mais c'est un garab qui est ici. C'est un Tosano. Si vous existez, il y a une verdure qui existe dans l'univers. Légi kon jabalu qaf ana fan lané fan lané motori khayal ngaru ala alamul khayal voilà wa mais légi plus précisément alamul khayal lané d'accord mais plus précisément fan lané manam kon nous d'accord alam kon jabalu khaf montagne la bo xamné ci fiction l'existe mais la fiction est une réalité aussi voilà légui montagne bobu fumu ne hein sa localité localisation par rapport à l'espace cadre non en même temps là Tu souffres univers et tu cours. En même temps, tu souffres univers et tu cours. Wow, bête mon amour, mon gars. Jour ou nuit, assamance. Mon petit jour ou nuit, assamance, là, non? Tu as même tenu beaucoup par les mots de. Tu souffres. Tu cours car avec les mots. Voilà. Mais mieux le comme ni. Bête mon amour, mieux le comme. Tout le monde car avec les mots gagnés. Fou. Ay milliards de fois la ko gëna yaato mais buñu wax né boko bayé ci ka bëgg lay daaru manam mi ngi melni losange voilà lool lay tek mais tekki wul né da tolok mom mi rek daanu dedet manam comme genre losange la voilà da jabul khaf hein wa fa la wa wa ay no hayate ni ma o khaybi ni mi fa la ne le du mystère voilà la source de la vie fofu la ne donc manifestation yi borom bi di manifester fofu la legui nak fofu la ardu simsima fofu mom fofu la nek montagne bi souf ci manam comme soufos montagne ci moy abdou simsima fofu la ne ni di ñu façon minde fi bare ay milliards de créatures inimaginables ñoy ci exister par moment chaque instant voilà legui barsaxul kubra ci tawxul akhdar bobu nga xamantene mom moy cercle bobu muy genre dome bi nek ci kaw tu sommet wu montagne bi fofu la barsaxul kubra de manam moy siège trône cheikh ahmed tidiane fadelaw et que c'est à partir de fofu ci lay wala fil barzakh al kubra okay makana farshikum wajanaakum yarshal wujud rajai mutalaqiyan li fiyad zat nabiyina wal anbiya ila wara min wara cheikh tidia sir fadela cheikh tidia Ah, ah lolu donc fofu la et que fofu lay jele flux yenen yent yep alayhi salam pour dispatcher ko kenn ku ci nek selon li yalla beug mu yex ci yow de telle sorte que amul ben atome ci univers bi lulul mom mo lay approvisionner par son flux voilà chaque jour voilà hmm gisna seigne mahmoud tayeb ñu gisse beet bobu dafa yid gisna ne bo da ko gëna moko gëna interpréter fi war zakhul kubra makana ta'arshiku wajana hukum yakhsham du darajay ñu ne allah allah ala kon manam da sekk dafa am aspect yo xamni fo ñu xam ko On a assimilé quoi, une bonne fois pour tout le monde, comprendre quoi, assimilé quoi. Voilà. On a une bonne fois pour tout le monde, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Qaf, Ake, Kassibul Abiyad, Kassibul Miskul Abiyad. Je suis Mustafa. Wow. Malik. C'est très important. Voilà. Comme les gens qui ont fait le travail, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. C'est que tableau est déjà. Après souf ci lan mo fete kaw asaman asaman ñaata la juroom ñaar baam après kursi mais nenn lu ci nak day ëmb moromam D'accord. Bon, faut comprendre. Après Arash. Arash, mon humble existence. Coursi humain piédestal. Gis le trône. So gis le trône. Xam nga lu trône di mel. Amna ben genre escalier buñu tek ci kaw fuñu di tek tanki fi bour bi di tek tanki loloy kursi moy non moy piédestal lolou moy lolou moy arrache mom lañ nane arrache moy trône bi kursi yu moy piédestal bi mom mo nek ci au-dessus de là des cieux et de la terre. Juste au-dessus des cieux. Voilà. Mais il faut comprendre que entre les cieux et le piédestal, c'est-à-dire à Coursiou, il y a beaucoup de plusieurs milliers de voiles de lumière. Plusieurs milliers de voiles de lumière. Entre piédestal et Arrache aussi, c'est pareil. Après Coursi, c'est Arrache. Voilà. Maintenant, après Arrache, comme Arrache, c'est mon humble univers. Lolu fofu la existence ou matériel bi fofu la yam lolu mo motax ñu nane arrache mo eumb la univers et que mom lañ wax né yalla ci la installé wu en tant que donc tout miséricorde ça dire rahman al fait de dieu mané mu dominé Arrache. Donc, en tant que tout miséricordien, donc, moi, tu tournes beaucoup, tu l'as installé avec Arrache et que tu gères une verbe. Mais, comme Yalla, il y a une essence, l'une d'entre eux. Il y a des tours et des mélos. Donc, il y a un nom et un attribut. Donc, il y a un nom, attribut, en fait, nos attributs sont des noms. Bah, parce que si je suis un médecin, c'est parce que la médecine l'a incarné. Si je suis un menuisier, parce que le menuisier l'a fait. D'accord, madame, donc, si je suis un menuisier, c'est parce qu'il y a la menuiserie. Je ne peux pas imaginer le menuisier sans imaginer la menuiserie derrière. Bah, voilà. Donc, Touri, Melaï, nous avons dit Touri. Maintenant, Touri, il y a la ak sen manam melo yi ak tour yi daf ci am benn bo xamantene yeneen tour yi nga xamantene ñom ñoo am rapport ak univers bi yépp tour bobu mo leen dominer manam mom mo leen eumb mo leen englober tour bobu nak moy rahman motax ci la yémo ci arash met ar rahman gënul ri ci tour yalla parce que allah mo gëna mag ak hu Bah. Mais est-ce que jusqu'à présent, bo fini amul dara lu leundum? Wa ma ci arash leer na. Si leer na sokka Rahman. Wa Rahman moy Yalla bi fess del yeurmane. Yalla mi nga xamantene la miséricorde, la plénitude de la miséricorde est son attribut. Wa. Mais pour situer Rahman tour la. Mais en tant que Rahman, tu l'as administré, tu l'as néqué, tu arrache, tu l'as installé en tant que bour. C'est-à-dire que le titre même du roi, c'est Ar-Rahman. Voilà, comprendre les glons. Voilà, le titre même de celui qui s'est installé sur le trône, c'est Ar-Rahman. Bang. Hey. Mais quand Ar-Rahman m'a néqué. Il y a entre fofu nonou il y a des des milliers de voiles. Donc 70 000 voiles de lumière. Yo xamantene chaque voile amna 70 000 ans yu dox sen digeunte. Voilà. Légui bu mo paré fofu mu yegg légui ba fofu comprendre nga. Et que chaque ay voile la yu ki. Fofu nak ay malaka yu spécial ñoo fa nek. Yu spécial ño xamantene xamuñu existence lenen loolul yalla ci kawam fofu la am benen aduna buñu tuddé al alamu raqqa bom nak man xawma duñ koy waxe ci tubab non la xone alamu raqqa mais c'est un monde comme niñ la ko waxe manam ki au dessus du monde immatériel parce que arash momo tourne ëmb monde yi nga xamné matériel la mais en dedans il y a des choses célestes mais tout ce qu'on parle en disant que ce sont des choses célestes c'est parce que ce sont des créatures lumineuses voilà donc physiquement amna ñu existence voilà légui alam ar-raqa fofu bo benen aduna la bo xamantene nak c'est au sommet de ce monde là qu'il existe une montagne buñuy wax Jabalu Qaf mais sauf que cette montagne là supplante l'univers comme niñ ko xamé parce que lu nek day nek ci kawam ni manam ben manam comme globe la bu ko englobé montagne bobu nonu mom mo am mom mo exister à la fois ci kaw univers bi mais aussi ci soufam mo yissa voilà waaw waaw mais comme c'est imaginaire c'est-à-dire c'est de la c'est la relève de la fiction donc day mana nek ci taw nek ci souf en même temps et puis même dans les temps dans tous les côtés dans tous les rayons c'est des rayons quoi en fait c'est comme connecté bi le ballon voilà c'est comme voilà comme que xam nga tout xam nga ñun tay assemblage ci buñ ko xolé tay kou li xol bu xamul nan la mbiri demé day fogg ni li ñi di gis ni dafa wad de non da fay japp li ñi gis ni dafa wad parce que à l'horizon da nga gis mu wad tay xamoo boko ku nekk ci place bu am geek wala yi day gis c'est comme si asaman ci dafa def ni dafa couverte la mine voilà ku li sétlo en fait c'est parce que dafa am univers dafa am souf ci mais mu ne souf ci ne ci bir yeneen asaman ni non lañ ëmbé souf ci non lañ ëmbé asaman yoyu motax ma xalaat bi nga waxé sax ci studio wa nga né si le gëna djégué wa cela veut dire que yalla on va dire monde bi des rayons non c'est pas ça nak non fofu da fay juste manifester ou par sa proximité il se manifeste par sa proximité wa non dama bëgg wax rek né tenu Voilà. Alors que là, on ne parle pas de la localisation, on parle juste de la manifestation. C'est-à-dire que tay, dadi wax li dey seigne Khalidou la manam en fait pourtant du mom fi par sa localisation du mom mais c'est par sa manifestation que le nek mom manam limi tek moy le moko def lolou la bëgg wax ba pourtant wax na plusieurs fois ne li dey moma fekk fekk du par la localisation du physique xam nga tay buma ne manam rido bi lolou lolou arrivé ngi nga ñew sa keur fekk dara xew rek am lu fa xew lu jaadu rek nga ni li di wul ha pourquoi pourtant il n'est pas là nekul fi yow bi nga di nek di wax ni ki moma li moma nekul fi bi ko wax mais pourtant yow mom nga ni mom la lutax parce que ce sont faits qui se sont manifestés et qui montrent que ni lepp dañuy indiquer vers lui voilà lol la tout lol la expliquer yep lol la manam buñ nan mom mo boy ki mom ngay jax gëna jégué bo talalé mom ngay nek di ñaan ci kaw boy djublu ci kaaba ji mom mo fa né et cetera yoyu moy il s'est manifesté voilà lolu manifestation la voilà légui ñu ñëwaat kon ci ce schéma bi le fameux schéma amen dafa xam nga waxna la ne la comme ni trône bi dafa englober li nek ci bir comme ni asaman ci englober souf ci globe terrestre bi ainsi de suite après waxna la voile ak alam benen aduna buñu tuddé ar-raqqa qui en haut voilà et au sommet il y a la montagne de Kaf qui englobe à la fois l'univers mais aussi sauf que Jabal Qaf dafa nek aussi ci souf univers bi parce que c'est imaginal cela relève de la fiction du lu palpable en même temps man mën nay wax ak yeen fi ni fekk ma ngi Jabal Qaf en même temps parce que pourquoi parce que non manam wo ko meuna taal mais c'est une possibilité manam lima bëgg wax c'est une possibilité voilà pourquoi hein? Parce que ce n'est que de l'ordre de la fiction. C'est comme qui dit Gint, mais que du Tchikaw Lalam. Mais pour moi, mingi de Lalam Lyon, mais pour moi, mingi Dakarou. Dis donc, aïe donc, n'est qu'une bête de Dakarou, dis donc, ramène des bibes. Dis ta sec, aïe mille fois, nous ramène des bibes, ramène des ñu diko jox ay information yo xamantene Dakarou lay xewé yo xamantene mom bu yéwo day retenir information yoy té pourtant mom mi ngi fi teud ci kaw lion ci kaw lalam lool moy alamul khayal c'est le monde de la fiction monde des rêves ci monde bobu la bok baxna légui Jabal Qaf bobu nak mom mo contenir c'est-à-dire que souf ci mon contenir ardu sensiba c'est à dire moy souf sos nga xamantene ci lañu bindé won mam adama par sa salam décit bi té que décit bobu nak mom la yalla yaatal mu tollu non mom la yalla yaatal yaatal ko bu mu tollu non motax moy univers bi gëna li ci univers yi et que lepp le contenir mais que montagne bobu montagne benn da ko def mu nek montagne légui nak dafa am ay dunes manam mon da am tundu yo xamantene tundu yi muscle mais dañu wex et que mu am ben source d'eau bu ci jaire bu ci nek bu tuddu mom lañu tuddé aynul hayat c'est la source de la vie légui nak au sommet de la montagne dafa am ben dôme comme gis nga yeen ci sallallahu alayhi wasallam fi mu tudd amna ben dôme bu vert manam mo djuma yu bari am nañ ko am ben affaire bu doom ni ha bu pointu melni mondagne coupole voilà fofu tamit non la mel coupole bu verte la bu teggu ci kaw bu tuddu al barzakhul kubra bo bu tuddu ak tawqul akhdar legui nak au sommet même de tawqul akhdar ci mondagne bobu fofu la barzakhul kubra nek c'est le siège. C'est le siège de Chahma Tidjani, radiallahu anhu. Et c'est à partir de là qu'il gère l'univers entier, chaque atome de l'univers. Voilà, garab gi fofu la né ci montagne bi ci la saxé. Ben garab la bu saxé fofu bu tuddou Touba. non non non garab gog moy origineu garab yi moy origineu garab yi nek aljana mais aussi moy origineu manam mo moy en même temps c'est-à-dire que c'est l'essence même ou l'entité même de l'arbre cosmique manam garab gi nga xamantene mom moy amal univers bi aussi xam nga garab univers yeb ben garab la aussi univers yeb ben garab la bu la nexe nga ni ben jëm la moy jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam univers yeb mais bon après xamna benen yone parce que là ça commence à voilà wa pour nous voilà Après, parce que sidratul muntaha après djourum ñaara asaman la nek te au près wetu sidratul muntaha fofu la aljana ne en daha jannatul ma'wa wa safara ci souf la ne safara mo mi ngi ci foufu voilà voilà alhamdullah xamna ñu yam fofu inshallah ñu yam fofu ndax seen kilam ay message mo la wallahu a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين